vous êtes assez fait. 89.1 Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est le palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 11 au 17 janvier 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. C'est la première émission de 2016. Tania, salut! Ben oui, c'est vrai! Oui, en fait, je me rappelle de mon 2015. Oui. Moi, ça fait depuis le début du mois de décembre que j'ai pas animé les Palmarès, c'est fou parce que c'est toi qui m'as remplacé la dernière fois. C'est-tu la dernière? J'ai-tu animé les Palmarès? Ouais, l'autre était une émission spéciale, c'était fois en 2015. Donc, t'as animé la dernière émission de la saison à l'automne. T'as bien raison. Et voilà. J'avais des acolytes ce soir-là qui m'ont sauvé la vie. C'est loin dans le passé, tout ça. Oui, quand même. Ça rejoue pendant les fêtes, les gens pourraient s'en rappeler. Ah oui, voilà. Bienvenue à cette émission des Palmarès, c'est fou pour la semaine du 11 janvier 2016. Depuis la dernière fois qu'on a eu un vrai palmarès, donc depuis toi finalement, depuis la fin de 2015, on a eu plusieurs nouvelles entrées. On va les entendre dans cette première heure. Plus tard, il y aura David Bowie. Oh, pour vrai. Uburu, ainsi que The Town Heroes en anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on pourrait entendre du Mehdi Cayenne, Renard Blanc, Mes Amis au Pakistan, La Valérie. On a de nouvelles entrées aussi du côté francophone. Pas mal de nouvelles choses. Donc, on va aussi dire au revoir aux pièces qui nous ont quittées depuis le début du mois de décembre. On va aussi savoir d'ici la fin de l'émission si le numéro 1 anglophone est toujours The Noble Thieves avec How Can You Think of Love. Et du côté francophone, eh bien, on va savoir si c'est encore notre fameuse Maudet. Maudet. Hashtag Maudet. Hashtag Maudet avec Dans les Nus qui est toujours la première place du côté francophone. Ça, c'est dans 3 heures environ qu'on va savoir ça. Commençons par nos nouvelles entrées. En anglophone, plus tard, il y aura The Town Heroes avec Constellations sur l'album Please Everyone. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Muffin Top du band Mes Amis au Pakistan. Sur C'est Fou, 89.1 FM. Je m'en manque. entrée. Drying out and you don't know. Nouvelle entrée. La formation Uburu avec Cosmic Cannibalism, c'est un groupe de Montréal, Uburu, UUBBUURRUU.bandcamp.com. C'est donc un groupe composé de 5 jeunes hommes montréalais. 5 petits jeunes hommes montréalais. Et tout juste avant ça, eh bien, on a entendu la chanson quand même assez calmement, La Brume de Renard Blanc. Et on avait débuté le bloc avec Muffin Top, mes amis au Pakistan. Si ça fait pas son affaire, elle va se promener tout nu. Elle l'a dit. Elle l'a dit. Je t'avais dit que c'était fucké, cette musique-là. Ouais, je sais. On l'a aussi entendu juste après, mes amis au Pakistan, The Town Heroes avec Constellation sur l'album Please Everyone. C'était justement une des paroles qu'on a entendues dans la chanson. Ça n'arrêtait pas de dire Please Everyone. Ben, c'est le nom de l'album. C'est un groupe de alternatif rock, rock alternatif. Un duo, en fait, qui écrit et disent des paroles accrocheuses. Oui. Qui frappent des chansons qui sont comme des hymnes du party où t'aimerais être. Wow. The Town Heroes. Okay. Et ben, thetownheroes.com et leur site web. Voilà pour 4 de nos premières nouvelles entrées. Nous en reste encore un groupe de 3 qu'on va se claquer d'un coup sec. Plus tard dans le bloc, il y aura Midi Cayenne ainsi que David Bowie avec son nouvel extrait Lazarus. Mais on commence en francophone. Oui, avec les enseignes au néon de La Valérie. La Valérie. De Valérie. Non, non, de non. La Valérie. Et non pas Laval et Rie. Non, non, pas Laval et Rie. Et non pas comme Laval, comme j'avale et je ris en même temps. Ah! Pas comme la vache qui rit non plus. Non, puis il n'y a pas de Rie Rice-A-Roni non plus là-dedans. Non, non, c'est La Valérie. La Valérie, comme le prénom avec l'article La. Pas l'article comme le journal. Non, non, l'article la. L-A. L-A. C'est ça. L-A, L-A, pas comme L-A, L-A ou ou ou ou. Non, non, non, pas comme ça. Là, c'est qui ça? C'est Valérie. La, La. C'est Vanessa, la. Valérie. C'est Valérie. Je pensais pas ce soir-là. Me laisser enivrer par tes mots. J'avais déjà la tête remplie de tracas. Tes mots ont desserré les taux. Tes paroles reviennent et repartent. Nouvelle entrée. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. A king. 17. Nouvelle entrée. Au cœur des plantes qui poussent, aux yeux du temps qui passe, devrons-nous avouer à la fin de nos jours avoir manqué d'audace? La lueur de nos ardeurs, le soleil de nos amours, à quand le souvenir de notre éternel retour? Que le quotidien nous égare, et que le printemps se prépare, ne sommes-nous pas seulement que des vaisseaux de peau qui écoutent le vent? Nos mots sont des sons qui vont loin, mais qui n'expliquent rien. Ainsi les poèmes meurent d'envie de se lever dans nos mains. Oui, valse à tout vent, tout de neuf dans nos cœurs. Pigeons, voyageurs, tout de neuf dans nos cœurs. De pigeons, voyageurs, et que l'ici soit ailleurs. Et que l'ici soit ailleurs. Cœur de plantes qui pousse, aux yeux du temps qui passe, avouer à la fin de nos jours avoir manqué d'audace. À la lueur de nos ardeurs, au soleil de nos amours, quand le souvenir de notre éternel retour, retour. Quand le quotidien nous égare, que le printemps se prépare, ne sommes-nous pas seulement que des vaisseaux de peau? Nos mots sont des sons qui vont loin, mais qui n'expliquent rien. Ainsi les poèmes meurent d'envie de se lever dans nos mains. Oui, valse à tout vent, que l'ici soit ailleurs, et tout de neuf dans nos cœurs. De pigeons, voyageurs, neuf dans nos cœurs, de pigeons voyageurs. Cayenne et Pigeon Voyageur. Moi, je me rappelle du temps où ils s'appelaient Medi-Cayenne Club, puis là, ben, ça me mélange tout le temps, j'ai envie de dire Medi-Cayenne Club, mais ils ont changé de nom. T'sais. Mais oui, ils ont changé de nom. Ils sont en spectacle demain à Ottawa, mais tout de suite après ça, ils s'envolent pour la France. Ils sont quand même 4 soirs en France, d'ailleurs accompagnés de Karim Ouellet le 18, si je ne m'abuse. Janvier. Oui, 18 janvier. Mm-hmm. 20 janvier, pardon. Le 20 janvier. Cool. Avant ça, c'était un certain David Bowie avec la pièce Lazarus. On lui souhaite une longue carrière à David Bowie. Hein, ben oui. Hein. On sait pas. C'est pas. Non, sans blague, là, il a fait 27 albums, David Bowie. C'est du stock, là, c'est du stock. Entre sa naissance en 47 et sa mort, évidemment, en janvier 2016. Hey, c'est ça sur Wikipédia, étant donné que David Bowie est mort, il y a une petite bulle en haut de la page qui dit, je cite, « Le texte peut changer fréquemment, n'est peut-être pas à jour et peut manquer de recul. » Ouais. C'est vrai. « Les biographies étant habituellement écrites au présent de narration, mais c'est de ne pas mettre au passé les verbes qui sont actuellement présents. » C'est écrit par ailleurs dans une rédaction encyclopédique, il vaut mieux parler de la mort de quelqu'un que de son décès. Et il explique pourquoi dans la bulle sur Wikipédia. Ah ouais? C'est quand même intéressant. Donc David Bowie, évidemment, sa plus récente pièce s'appelle Lazarus de son dernier album, évidemment, Black Star. Et tout juste avant ça, eh bien, on avait commencé le bloc avec les enseignes au néon de La Valérie. On se souvient, La Valérie. Valérie. Pas Valérie, La. Non, c'est pas Valérie. Juste une Valérie. Non, c'est ça. On a terminé les nouvelles entrées, Tania. Oui. Ce que ça veut dire, c'est ce que j'en retiens de ce bloc-là. On a entendu quand même 7 nouveautés en tout. Mm-hmm. Une bonne moyenne. Une très bonne moyenne. Mais étant donné qu'on a reçu 7 nouvelles entrées et qu'on n'a pas fait Palmer Rest in Peace la dernière émission quand j'étais pas là, c'était toi qui me remplaçais, on a donc 2 semaines à rattraper. Oh, c'est mon bien Dieu. Vrai. Donc voici Palmer Rest in Peace pour la période du 30 novembre au 10 janvier 2016. Just mountains of change. Voici les pièces qu'ils ont quittées depuis les précédents palmarès. Stand. C'est bien bye et non pas bye comme dans ces plates. Ouais, non, c'est ça, c'est bye. C'était des extraits des pièces qui ont quitté les Palmarès C'est fou depuis l'édition du 30 novembre 2015, jusqu'au 10 janvier 2016, ça inclut deux palmarès en tant que tel. Oui, tout d'abord, c'était Démé avec Encore plus fort qui est resté au palmarès pendant 7 semaines. Mm-hmm, les incendiaires ne sont plus que cendres avec Tozuku qui a duré 7 semaines. On reste dans le style asiatique avec Maniwaki de Francis Faubert. Oui, oui, très asiatique. Hey, arrête, là, ça sonne Takatsuchi. Ça sonne sushi, ça, Maniwaki. Maniwaki pendant 7 semaines de Francis Faubert. Caveboy est retourné dans sa tanière avec Something Like Summer qui a duré 7 semaines. Il y avait beaucoup de chimie avec Young Rival parce que That's Chemistry est resté au palmarès pendant 7 semaines. 1977 fait partie de l'histoire avec la pièce We Do qui a duré 6 semaines. On a créé un monstre. Ta playlist, une chanson que t'aimes beaucoup, Mathieu, oui. Un band que tu aimes beaucoup, qui a été avec nous pendant 7 semaines au palmarès pendant longtemps. Mm-hmm. Les Sorboulis se sont cloîtrés, je pense. Ah ouais. Ou encore sont sur une île déserte avec Andaman Islands, qui a duré 6 semaines. On a beaucoup fait jouer cette pièce-là dans notre émission du matin, qui est Assemblage requis, mannequin de magasin de Navet Confit, qui est resté le plus longtemps de notre palmarès in peace cette semaine, 8 semaines. Mm-hmm. Les deux luxes, c'est étrange parce que ça a duré seulement une semaine, mais ça a joué beaucoup pendant les fêtes. Mm-hmm. C'est une pièce qui était évidemment très temporelle. On l'a mis avant Noël, pour Noël. C'était La fille du Père Noël, les deux luxes. Une chanson que moi, j'ai beaucoup aimée. Je dois le dire. Ouais. Oui, ouais, mais ouais. Très passagère. Ouais. Window Shades de US Girls qui est restée pendant 8 semaines, elle aussi, quand même. Ça va me manquer. Ouais, ouais, je pense que ouais. Vraiment. Moi aussi. Elvi, sa fusée a explosé, Return to the Moon, qui a duré 6 semaines. Et... j'aurais pu dire Santa Claus, mais non, malheureusement. Alberta Cross, avec Ghost of Santa Fe, qui restait là pendant 7 semaines. En français, Alberta Cross. Alberta Cross, oui, ben oui. Voilà pour Palmarès in Peace, depuis le 30 novembre 2015. Ça en fait des choses auxquelles dire au revoir, mais ça veut dire qu'on a rénové nos palmarès depuis ce temps-là. Ben oui, parce qu'on vient de faire comme quoi 7 nouvelles entrées. Voilà, et t'en avais aussi dans ton émission que t'as fait sans moi au mois de décembre. Donc, quand même pas mal de nouveaux stocks pour le reste de la session hivernale. Mais comme on a dit au revoir à ces pièces-là, ben quand même, on les réentendra plus jamais. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez retrouver les montages Palmarès in Peace sur assemblagerequis.com et on fait ça à chaque début d'émission. Voilà. Mm-hmm. On va sauter par-dessus plein de choses. En anglophone, on saute les 17, 16 et 15. Donc New Order avec Restless qui est stable en 17e. On descend une place avec Electric Indigo de The Paper Kites en 16e. Et on descend 5 avec Pretty Pimpin de Kurt Vile qui a duré 7 semaines jusqu'à maintenant. Et du côté francophone, eh bien, on va sauter quelques positions aussi. On va sauter la 16e, la 15e et la 14e position. Donc, on saute, entre autres, les Hôtesses d'Hilaire avec Regarde-moi, qui était en 8e position la semaine dernière. On saute aussi Ponctuation, Mon corps est une planète, qui, elle, était en 7e position, qui se retrouve à la 15e cette semaine. Et Les Revenants avec Rien ne saigne, comme un pouce, ouf, qui était en 6e position, qui se retrouve à la 14e place cette semaine. Dans ce bloc-ci, on va entendre plus tard Destroyer ainsi qu'Ingrid Saint-Pierre, mais on débute en 14e anglophone. Oui, 14e anglophone avec Mo Slime, I Always Get What I Want. C'est les Palmarès C'est fou au 89.1. FM. Pas AM. Non. Ça crie sous l'AM. Ah ouais. I haven't got one. encerclés sans savoir. Un rendez-vous sur le calendrier. Et tout à fait par hasard, un soir. Been sifting

cause when you charge these are strength. Pour personne, mon gars, work, work. Check moi, ben, make it, man. Si ta mère est pas ben, ben, bad. Et t'es dingue, pis d'essayer. C'est comment tester pas, mais son wavy. C'est toi, mais fuck. Pretty boy, fait l'over, mon wig. Gonna get mon shit on the front. Otherwise, je t'en trouve plus, mon wig. That's right. Focus, mon wig. That's right. Pouler, mon wig. Pis t'es down avec ce shit, là. Lève ton bar, pis t'es dégagé, mon wig. Yeah, but Yukon Blonde et Comme on monte d'une place en 10e position anglophone. Du côté francophone, eh bien, c'était Away de Dead Obies. Away. Ça me rappelle l'excellente chanson des Appendices. Ah! C'est cool, complètement correct, et puis c'est même le fun. Déjanté, adéquat, au possible, c'est hip-hop au cube. Zumbaroua au bébé. Pas rapport, fais du hash. Franchement, ce que je veux dire, c'est que ton Sharpie, faut que tu mettes le bout. Sinon, non, c'est sûr qu'il va devenir tout sec. Zumbaroua. C'est le fun un peu, pis c'est super jeune. Dérapé dans le 2000. Zumbaroua, c'est twist, c'est nul, mais dis pas que c'est poche. Les costumes, les décors, on fait tout ce qu'on peut. Souffle par les trous du nez, va prendre ta douche dans l'espace. Vas-y, vas-y, mollo. C'est pas dégueu, j'ai pété, y'en a un autre qui s'en vient, que ça ressemble. Ok, ça va bien, mais c'est long. C'est toi, c'est moi, pis c'est quelqu'un. Zumbaroua. Hein? Zumbaroua, bébé. Le OK ressemble au Hawaii, Hawaii, Hawaii. Mettons. Mettons. Je sais pas, c'est une parodie de l'autre. Je sais pas. Parodie Wazatata à la base. Bref, toujours parler assez fou. Oui, on a bien entendu les appendices parce que ça me fait rire, moi. Zumbaroua, bébé, sur leur album qui s'appelle Les Appendices, chante les chansons de la 7e saison et quelques autres qu'ils trouvaient bonnes. Mm-hmm. Sur leur Bandcamp, en passant. Cool, pas ton genre du mot, ça. 9e place, du côté anglophone, c'est Magical Clouds avec Downtown Stable en 9e. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Philippe Braque avec Héroïne. Ah ben! Je sais pas si c'est la drogue ou le féminin de héros. On sait pas, comme dans la chanson des Appendices qui disait « Fais du hache ». On sait pas. On sait pas, c'est un mystère. La carrière est encore là, la lune se fait pleine jusqu'au bout de mes doigts. Les pneus gris pis les prêts de sac de pomme enlevés au Christ, une couche de knock. Le tartan sans la piste, c'est qui se défend humblement contre les chats qui l'assaillissent. Les poubelles ont des oreilles, de la compassion et une écoute formidable. Et la neige qui fond laisse renaître les botches d'autrefois. Nostalgie, je suis chez moi. Les yeux virent à l'indécis, loin des sirènes et des épices sur rue. Est-ce morphine ou morphée? Est-ce une naine ou une fée? Est-ce morphine ou morphée? Est-ce une naine ou une fée? Que tu me blottiras dans tes seins. Comme la mère animale qui traîne encore son monde. Et nous n'oserons plus regarder les cratères dans nos bras. Et le chant de nos aiguilles coulera au rythme du sang. As fast as I can. singing to myself, I wanna hold your hand. And we're going downtown. Cause we feel like running around. Really this fun when you're on my mind. Is it really this cool to be in your life? There's one thing I'll do if it ever goes wrong. I'll write you into all of my songs. And if suddenly I die, I hope they will say that he was obsessed and it was okay. We're going downtown. And we feel like running around. Is it really this fun when you're on? I'm going crazy, crazy for you. I'm going crazy, crazy for you. I'm going crazy, crazy for you. I'm going crazy, crazy for you, for you. Le classique, excuse-moi, je t'entends pas, j'ai une banane dans la bouche. C'est le classique. On vient d'entendre Magical Clouds et Downtown Stable en 9e position sur l'album Are You Alone? Et du côté francophone, eh bien, on l'avait dit, c'était Héroïne de Philippe Braque. Est-ce que tu as réussi à savoir si c'était la héroïne féminin du héros? Ça parlait de drogue pas mal, leur chanson, par moi moment. Moi aussi, j'ai trouvé. Hein, ouais, c'est ça. Mais bon, on va quand même élucider, enquêter là-dessus. On va mettre nos reporters sur le terrain du Journal dans le Corpus. Faut bien qu'ils servent à quelque chose, hein? Comment on dit? Position numéro 8, du côté anglophone, c'est Deer Hunter avec Snake Skin qui est stable en 8e. Et du côté francophone, c'est une pièce qui était à la 10e position la semaine dernière, mais qu'on a quand même fait beaucoup jouer vu justement que c'était le temps des fêtes, c'était le mois de décembre, ouais. C'est Dans la neige du Husky. Quel bruit est-ce que ça fait quand on est dans la neige? Squick, squick, ben c'est squish, comme... Squish, squish. Flou, flou, flou. Non, ça c'est le fromage, squish, squish. Ah, c'est ça. Ouais, t'as raison, ça fait... Voilà. Comme ça. De quoi t'as parlé ce matin à l'assemblage requis, là? Tire quelque chose, on a tiré quelque chose. Là, j'ai fait des jeux de mots de tir d'éponge, de tir d'érable. Traîner de chien? Non. Ouais. Des traîneaux machin? C'était un bon moment, je trouve. Tirer quoi? Je me rappelle pas, mais c'était drôle. De hockey? Je me rappelle pas. Moi, je sais plus, moi non plus. Je pense que c'est sur l'heure du dîner, je pense. Fallait vraiment être là. Ouais. Ah. C'est les palmarès. C'est à vous d'être avec nous. Ouais, c'est ça. Tous les matins, 6h30 à 9h30.

Grimes, Flesh Without Blood, 20e place la semaine passée, maintenant 7e. Donc, une bonne grosse montée de 13 places, c'était nouveau la semaine passée. Donc, on va commencer à l'entendre de plus en plus. Bien, du côté francophone aussi, c'était simplement la 2e semaine qui se retrouvait au palmarès. Montée de la 18e à la 7e place quand même, c'était Lâche ta job de Faudrait faire la vaisselle. Deux chansons très, très différentes l'une de l'autre. Tout à fait. Je dirais que c'est des personnalités qui se complètent, un peu comme toi et moi. Oh! C'est beau, hein? Oui. On est électrique. Ça et le fait qu'on pogne des chocs électriques à toutes les affaires qu'on touche. C'est fou, hein? Tout ce qu'on touche ces temps-ci, on pogne des chocs électriques. Tu penses que c'est dû à quoi? Le temps sec, je crois. Ah, peut-être. Je pense que c'est. Peut-être. Mais je suis pas un professionnel. Ouais, non. J'en joue un à la radio. Et voilà. Alors, on a le temps encore pour les sixièmes places, même que d'après moi, dans cette deuxième heure, on va avoir le temps de retourner en arrière un petit peu. Donc, en anglophone, on va écouter The Noble Thieves. C'est lancé numéro 1. How can you think of love at a time like this? Ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 du côté anglophone. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Soyons sauvages d'Ariane Dita, qui, elle, a descendu de 2 positions depuis le dernier palmarès, parce qu'elle était en 4e position avant. Mais elle, on l'a fait jouer très souvent. Oui. On aime ça, Ariane Dita. Oui, on aime ça, Ariane Dita. Soyons sauvages. Au palmarès-ci. 89 FM. Tu voulais mimer quelqu'un de sauvage? Ouais, c'est ça. ça finit avec une marche à pied de même à la fin. Mais oui, puis on l'entend presque pas. À peine dans un radio, je te dirais. On vient d'entendre The Noble Thieves, How Can You Think of Love at a Time Like This? C'est lancé numéro 1 en 6e place anglophone. Mais... Et du côté francophone, eh bien, c'est la 4e qui était descendue en 6e position. C'est Ariane Dita avec Soyons Sauvages. Ouais, pendant qu'on écoutait de la musique, on a aussi choisi les pièces qui vont jouer pour vous pour terminer cette 2e heure. Oui. C'est-à-dire les pièces les plus jeunes. Plus tard, on va entendre The Motor League, mais on va débuter en 11e francophone. Donc, on va entendre les deux 11e. Pour commencer. Donc, en 11e franco, qu'est-ce que c'est? Ça va être Baden Baden avec Hiver. Une autre chanson qui fait référence à l'hiver. Je sais pas ce je qu'on sais, a. Je sais, mais c'est... ça a probablement rapport avec la température. Ah ouais? Et le temps de l'année dans lequel nous sommes présentement. Est-ce qu'il y a un mot pour ça, la température? Comment est-ce qu'ils appellent ça, mettons? La neige. La neige, comme les biscuits, je pense. La météo. La météo. On fait pas ça ici. Non, on fait pas ça. Non, mais ça existe. Mais oui, ça existe. C'est ça. Il faut le dire. Baden Baden. La neige. Ah ouais, Baden Baden, c'est-tu joué, comme on dit? Baden Baden. Baden Baden. Ah ben, merci. Au 89.1 FM. Autour de la météo. Il neige. Il neige. Ça frette! Ça frette! We'll be right back. C'était The Matadors et Shake Your Fornicator en position numéro 12. Avant ça, entendu The Motor League avec The Boards. On a débuté en 11e francophone. Avec Hiver de Baden Baden. Voilà, un petit bloc de pièces qu'on avait sauté tantôt. Ben oui. Ben oui. Alors, on va sûrement avoir le temps de revenir ailleurs vers la fin de l'émission à d'autres pièces qu'on n'a pas eu le temps de jouer. Mais on va passer au top 5 dans quelques instants. Donc, les positions 5 à 1. On va savoir si du côté anglophone, c'est toujours The Noble Thieves au sommet. Et du côté francophone, eh bien, on va essayer de savoir si c'est encore Modo Day. Maudet. Dans les palmarès, c'est fou. Hashtag Maudet, hashtag palmarès, c'est fou. Hashtag c'est fou 89 FM. Hashtag partout. Hashtag ta face. OK. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait. 3e heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 11 au 17 janvier 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Ah, effectivement. Effectivement. En effet, c'est bien toi. Je vais dire en effectivement, comme je fais tout le temps. En effectivement. Mais c'est une mode qui a pas l'air de soulever pas en fait. Non, malheureusement. Il y a des choses comme ça. J'essaye, ouais. J'essaye bien gros. Ah, c'est la portion top 5 de l'émission. Donc, on va entendre les positions 5, 4, 3, 2 et 1 en ordre. Et après ça, on va entendre des pièces qu'on a sautées. Mais commençons par les 5e places. En anglophone, ça monte de la 18e. C'était nouveau la semaine passée. C'est King Gizzard and the Lizard Wizard avec l'extrait Paper Mache Dream Balloon. Et du côté francophone, eh bien, ça monte de la 9e position. Donc, seulement 4 positions plus haut cette semaine. C'est la pièce Richard Desjardins du band Les Connards à l'orange. C'est pareil comme le compound à saveur d'orange dans la publicité de la huître. Oui. Avec le papier sablé. Mm-hmm. C'est quoi déjà? Je m'en souviens. Au grain mille. En tout cas, bref. En tout cas. Fallait être là. Hein? Ouais. C'est pas mal assez fou. Au 89 FM. Pour petit peuple asservi, aux idéalistes payés pour faire la morale. Maintenant Richard son tour ici comme son bossy. Tu devrais vraiment être Richard Desjardins. Tu devrais vraiment transformer le futile en véritable changement. Essaye un instant, essaye un instant. Ça serait intéressant. T'écrirais autre chose que des clichés de Dripsou. Tu ferais des chansons pis des films militants. Au lieu de faire semblant que tu sais tout sur tout. Tu devrais vraiment être Richard Desjardins. Tu devrais vraiment transformer le futile en véritable changement. Essaye un instant, essaye un instant. T'aurais de la compassion pour les Amérindiens. T'essaierais de faire quelque chose pour l'environnement. Assis tranquille à faire soit de l'argent, soit rien. C'est toi l'enfant gâté, c'est pas les étudiants. Tu devrais vraiment transformer le futile en véritable changement. Essaye un instant, essaye un instant. 5. Bien festive de King Gizzard and the Lizard Wizard avec Paper Mache Dream Balloon, position numéro 5 qui monte à la 18e place. Et en français, on a entendu Richard Desjardins, des connards à Laurent. En français! En français! S'il vous plaît! Du côté francophone! Oui! Voilà. Magnifique. Ah ouais, pour le cinquième, ça veut dire qu'on monte d'une position, d'un étage, je dirais, au quatrième place. Hein? Et du côté anglophone, c'est Dilly Dally. Après King Gizzard and the Lizard Wizard, c'est des choses qui riment. Pourquoi ne pas entendre du Dilly Dally? Hein? Avec Purple Rage qui descend d'une place. Et on montre de quatre positions pour le côté francophone. C'est Mon Oncle Serge avec l'Ebola à Saguenay. Ça rime pas. Je sais, mais je suis désolée. Ça rime pas. Ça rime pas. Faut que ça rime pour être vrai. Ouais. Je me rappelle de tantôt j'ai entendu la pièce de King Gizzard et je me disais, il me semble que j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est parce que c'était dans l'émission où t'étais tout seul. Ah, voilà. Et je me rappelle de quand t'as prononcé King Gizzard, c'est difficile. Oui. Et Dilly Dally, c'est difficile. Okay. Non, peut-être oui. Pas. Peut-être pas Dilly Dally. And Lizard Wizard. C'est le fun à dire. And Lizard Wizard. C'est ça qui est le fun. C'est que ça rime puis en même temps, c'est comme une cadence. Ouais. En tout cas, bref, on se pratique. Bref. C'est les palmarès, c'est fou. On devrait trouver une petite phrase catchy. Ouais, on devrait faire ça. Petit slogan. Trouve-nous ça, Madame Marketing. Madame Marketing. Ah! Las Vegas. Los culos. Las tetas. Ah, amor. Les boulots, on s'en crisse à bim. Quand c'était rien que des Africains, noirs et pauvres qui ont crevé. Oh, je te dis qu'on s'en colissait. Mais là, ils frappent à nos portes. Ça fait que tout le monde capote. Même dans la ville de Saguenay, la panique s'est installée. La populace en détresse grimpe tellement dans les rideaux. Contre un chapelet pis une messe, le maire tremble et prend le micro. Ce matin, on a eu une rencontre importante concernant le virus Ebola. Non. Tous les responsables de nos services... Six. On s'est parlé pour savoir est-ce qu'on est prêt. Prêt. Mais je peux vous dire qu'on est prêt à faire face à un problème comme celui-là. Non.

Pas vraiment. Malheureusement. Si vous avez quelque chose à nous dire, dites-nous-le hors ondes, on va répéter vos paroles en ondes. Exactement. C'est... Ou sur Facebook. Ou sur Facebook. On a une page d'ailleurs des palmarès, c'est fou. Oui. Ça vous intéresse, on met une fois de temps en temps les nouvelles entrées, les positions numéro 1, et puis au lien vers l'émission de la semaine. Donc la page s'appelle Les palmarès, c'est fou. Bien sûr, c'est fou en lettres. On passe aux troisième place. En anglophone, c'est The Sheepdogs, comme les petits moutons que vous allez être en alliant. Liker la page. En allant, liker la page. Oui, en allant. En allant. Donc la pièce s'appelle Bad Lieutenant et ça monte de deux places. Et du côté francophone, ça monte aussi de deux places. C'est Prends mon temps d'Athéna. Ah! Ah! C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Thank you. Bad Bad Men sont bien, bien méchants. The Sheepdogs avec Bad Lieutenant qui monte de deux en troisième anglophone. Et du côté francophone, ça avait aussi monté de deux. C'était Prends mon temps d'Athéna. C'est la fameuse tune avec, premièrement, un long silence à la fin. Oui. Et deuxièmement, un gros cri au début. Eux autres aussi sont méchants. Ben oui. Quand tu cries, ça fait sortir le méchant. Ça fait c'est ça pour faire sortir le méchant ou ça t'a fait faire le saut, un des deux. C'est un des deux. Et le silence, même chose. Oui. T'sais, à la fin, je me dis tout le temps, crée-moi, c'est celle-là qui a un silence à la fin. Et là, je regarde l'album, c'était écrit en gros crayon feutre par moi-même. Oui. Silence à attention, la fin. Attention, il y a un silence. Ouais. C'est une note à moi-même pour le futur, puis je regarde même pas. Tu vois comment je suis responsable? Et là là. Tu vois. Pour ce numéro 2 du compteur anglophone, c'est Lucid Afterlife avec la pièce EO qui monte de deux places. Du côté francophone, eh bien, on a descendu d'une place. Ouh, oui, je viens de le dire. Le top 1 de du dernier palmarès a été détrôné. En deuxième position, c'est Maud Audet avec Dans les nues. Hashtag Maudet. Hashtag Maudet. Bon, palmarès, c'est fou. Pour 89 FM. Lesson of a lifetime. our management. Finally, that final exam is handed in. Hourglass flipping, the lessons branded in. The final note played on the mandolin. Body returns, a guest, a quest forever burn. Unless within the urn, earn wages by our work. Never wait for a turn. The wheel, fortune tuned for the show, and hold what you learn. Throw it in the pan, yeah, till you understand the point of the circle. Drop the dress rehearsal. Shakespeare's dead, but I'm born again. Just another scholar to rope until I reach perfection. Imagine where blackness has been, a casket beneath the planet or mattress. If you could handle it, plan to get where we're going. Overflowing river Styx, I ride the Sphinx to Osiris. The mileage isn't worth the risk. You can greet me at the pathway or sleep and meet me halfway. Tickets can be as cheap as you want them to be. Practically free, believe in the spirits that you learn to see. Beneath all the fear, just learn to breathe. It's only as easy as you. Quand même pas. Là, je suis en train de vous mettre le numéro 1. T'sais. Je pense ouais. qu'on va parler avant de faire les numéros 1. Je pense que oui, hein, mais on a comme eu... Une petite surprise. Une petite surprise. Okay, donc, on va faire semblant que la chanson a fini. Okay? Puis, on va revenir comme si on était en train de finir la chanson. Ouais, mais on dirait qu'il y a comme eu une petite panne parce que la lumière qui était là tout à l'heure était allumée puis là, elle l'est plus. Bon, c'est peut-être un hasard aussi. Peut-être. On peut-être. Sait pas. Théorie du complot, Tania, c'est le retour d'X-Files. Ah, c'est ça. C'est les extraterrestres qui nous attaquent. Donc, fin de la chanson. Eh oh, oh, eh oh, blablabla. C'était Lucid Afterlife et la pièce EO qui monte de deux places en deuxième anglophone. Et du côté francophone, eh bien, on avait descendu d'une place. C'était Maud Audet dans les nues. Hashtag Maudet. Hashtag Maudet. Faut dire à chaque fois, sinon la mode prendra pas. C'est ça, exactement. Sur Facebook, là, ben populaire, ben populaire. On est déjà rendu au numéro 1, Tania. Déjà? Ça a passé tellement vite. Il nous reste encore une demi-heure, me diras-tu. Mm-hmm. On est arrivé de bonne heure à nos numéros 1 parce qu'on n'avait pas de C'était fou, on n'avait pas d'un instant classique. Donc, quand même, que voulez-vous? On passe par les détours que l'on peut et on prend les raccourcis qu'on nous met devant. Mm-hmm. Hein, si on doit aller jusqu'à Québec, on ne passera pas par Montréal. On va aller directement à Québec. Hein? Si on veut aller jusqu'à Amqui, dans un fin fond trou du Canada francophone. Hein? Hey, dans on en parle-tu? Hey, on a... tellement trouvé le renseignement sur Amqui aujourd'hui. On doit le dire. C'est parce qu'aujourd'hui, on a su qu'il y avait une station X. Oui, d'une station de radio commerciale que tu t'attendrais pas à ce qu'il y ait une station à Amqui pour 6000 personnes. Amqui, là, la population de cette place est de 6000 personnes. Tu sais, s'il y a des gens qui en a de là, on les juge oui, pas. Oui, non, vous savez. Mais moi. On trouve ça surprenant que pour 6000 personnes, il y ait une grosse station commerciale mais comme celle-là. Mais c'est apparemment une ville touristique poissonnière, etc. Ben, c'est ça, là, on s'est mis au défi. On s'est mis à dire, en fait, on s'est mis à dire plein de niaiseries. Oui, ben, c'est ça. Puis, par la suite, on a googlé et tout ce qu'on avait dit est en fait sur la page Wikipédia d'Amqui. Surtout ce que toi, t'avais dit. Oui, j'avais dit, ben, check ben ça. C'est une ville qui propose beaucoup, beaucoup de tourisme sur le poisson, puis les porcs, puis tout ça. Puis finalement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est dans le Bas-Saint-Laurent, Amqui, en fait. C'est un mot micmac. On disait qu'il y avait probablement seulement un magasin général. Ça ressemble à ça. En tout cas, on voit qu'il y a une épicerie et une grosse station d'une radio commerciale. Alors que pourtant, ça disait que c'était quoi? Il y avait l'affaire la plus proche qu'il y avait, c'était genre à Chicoutimi. C'était l'université. Rimouski. L'université, oui. Ouais, c'est ça, parce que là, on proche. Se demandait, y a-tu comme une université à Amqui s'ils ont une station de radio aussi commerciale? Puis en fait, c'est Rimouski la plus proche. Ouais, c'est ça. Mais bon. Mais bon. Mais félicitations à eux. Ils ont mais si vous venez d'Amqui, on vous juge pas. On juge pas la place d'où vous venez. On trouvait juste qu'on se demandait pourquoi il y avait une station parce commerciale. Il y en a pas beaucoup de stations de ce regroupement de stations commerciales-là. T'sais. Non. Il y en a une à Amqui. Il y en a une à Amqui. Moi, j'ai bien aimé mon petit gag là, que j'ai fait. C'est comment j'aime mes propres gags. Oui. C'est tellement loin à Amqui qu'ils sont pas encore rendus au FM Qui. Ah, je l'ai trouvé bonne, moi aussi. C'était pas pire, hein, c'est ça? Ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est pas mal ça. Il y en avait beaucoup, mais je suis pas sûre qu'ils se disent en nom. Ah, wow. I'm quit au double. Bref, on se trouve bien drôle. Ouais. Les numéros 1, tu sais, justement, j'étais en train de faire des jeux de mots. Je disais qu'on passerait pas par des détours pour aller jusqu'à Québec. Hein. C'est comme ça, hein? C'est comme ça. C'est comme ça. À un moment donné, quand l'amour te frappe, tu veux aller peut-être à Montréal, à Québec, que ce soit pour aller retrouver quelqu'un qui s'appelle... quelqu'un qui en vaut la, qui en vaut la peine. Qui ouais. En vaut la peine. J'essaie de faire un jeu de mots avec Valent, tu comprends? Ouais. Mais pour ça, il aurait fallu que je me lève pas mal plus de bonne heure et peut-être dormir plus longtemps, hein? Ouh. Partir avant. Ouais. Chez nous. Il aurait fallu que je parte avant. Que tu partes avant, OK. C'est ça, parce que j'ai quand même dormi juste 4 heures cette nuit. Ouais, je me sais. Ça, ce n'est pas un mensonge. J'étais ici jusqu'à super tard à cause de l'impro. Que voulez-vous? C'est comme ça, ce n'est pas un mensonge. Vous pouvez venir me voir les lundis soirs à 20h mm-hmm. à Chasse-Galerie pour savoir de quoi ça en retourne. Que vous soyez anglais, français, sur le système métrique, le système hiérarchique. De la Royal Navy américaine, que vous soyez un marin, que vous soyez un gambler anonyme à Vegas, ouais. Vous pouvez venir à l'impro les lundis soirs. OK. Moi, j'ai tout fait, mes jeux de mots sont pas super bons, mais explique-les. Oui, oui, oui. OK. Donc, j'y vais? S'il te plaît. Eh bien, en première... Je commence-tu en anglo? Comme tu veux. OK. Première anglophone, eh bien, la semaine dernière, j'étais en deuxième position. C'est Metric avec... Lie, lie, lie. Je commence à manquer de jeux de mots à faire avec Metric parce qu'il est littéralement ouais. numéro 1 deux, trois fois par mois. Ouais, je sais. Avec, sur l'album Pagans in Vegas, d'où le voyage à Mathieu. C'est ça, les gamblers. Les gamblers. Et du côté francophone, la première position, eh bien, elle a monté de deux positions depuis le dernier palmarès parce qu'elle était en troisième place la dernière fois. C'est Quebec City de Rosie Vallant sur l'album Partir avant. Ah ouais, j'aimerais ça la partir avant de finir de parler. Ouais, j'ai essayé de... D'étirer. Voilà. Rosie Vallant. Au 89 FM. Comme on dit, hashtag Valentement. Valentement. Tu ne m'apprends rien quand tu me dis que la capitale te fait plus de mal que de bien. Je ne t'apprends rien quand je te dis que tes mains ont été trop longues, que tes mains ont été trop loin. Tu ne m'apprends rien quand tu me dis que je suis de trop souvent. Je ne t'apprends rien quand je te dis ta voix fait frissonner mes os. Mais dis-le-moi sans mots. Mais dis-le-moi encore que tu rêves d'un matin où le soleil te réveille.

Et on a choisi, toi et moi, Tania, d'écouter les positions numéro 15. Oui. Pour commencer. Ben oui, donc, parce qu'il nous reste du temps. Hein, il nous reste comme plein de tu temps. Dis, tu sais. Sûrement au moins deux blocs, je dirais. Ouais, ouais, ouais. Donc, en anglophone, tantôt, il y aura Kurt Vile. Et une pièce qui est là depuis 7 semaines, elle descend de 5. Par contre, c'est Pretty Pimpin'. Mais du côté francophone, on descend de 8 parce qu'on était en 7e position la dernière fois qu'on était au palmarès. On se retrouve à la 15e position pour ponctuation et mon corps est une planète. Tout de suite, au palmarès, c'est fou. Au 89 FM.

Marie-Pierre, Arthur, qui essaie de cacher l'hiver avec nous, parce qu'il fait froid. Cachetière! Oui! Avant ça, on a entendu Kurt Vile et Pre-Pimpin qui descend de 5 places en anglophone en 15e. Et avant ça, on avait entendu Ponctuation avec Mon corps est une planète, qui eux aussi sont à la 15e position du top 20 francophone. Voilà, c'est un petit bloc mix. De choses qu'on avait sautées plus tôt dans l'émission. Nous, ça va être tout pour l'émission de cette semaine. On se retrouve en direct mardi prochain entre 15h et 18h. Après nous, à 19h, il y aura Réanimation, l'émission de Metal et d'Horreur. On passe les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, Sky Punk, l'émission de Punk Rock. Et finalement, on joue le dimanche à midi. Restez à l'écoute. Sif.ca pour la programmation complète. AssemblageRocky.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci, Tania Baudin. Ben, merci à toi, Mathieu Plante. Ça fait plaisir. On se retrouve du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 pour Assemblage Rocky. Et moi, les mercredis à 15h pour les palmarès, c'est fou. Oui, dès demain matin. C'est dit. On se quitte avec une dernière pièce qu'on a sautée. Oui, on a le temps pour plein de choses. On se quitte avec Les Revenants, 14e francophone. La pièce s'appelle Rien de 5 comme un pouce. Eh ouais. Ça se teigne. Sur la plupart de nos stations. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Ou bon après-midi. Bonne journée. Et bon café. Bon matin, ceux qui écoutent l'émission en MP3. Peut-être. Et voilà. Stay.